what's happening in Toronto. You're listening to Supercation here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'm going to be with you until the end of the hour playing some French language punk, ska, and hardcore. It's going to be a great show today. We got some little special thing planned. March 15th, this Thursday, is the International Day Against Police Brutality, so we'll be playing some songs with police brutality, against police brutality, and generally bringing attention to state oppression. I also want to give a little shout-out, or I guess a little announcement. If you are a member, because we're broadcasting here from York University, if you are a member of QP3903, union representing TAs, GAs, on-contract faculty, this week there is a strike mandate vote. Your bargaining team and your union is asking you to go vote yes in favor of the strike mandate vote. I encourage you to go vote in favor of the strike mandate vote. Vote yes. I'm a member myself. I voted yes. I encourage you to do the same. Check it out online. Just Google QP3903 for more information. All right? So we're going to kick things off with Bricks and Cats, their song Police, here on CHRY 105.5 FM. À Brixton Cats avec Police, série de leur album éponyme. Ici à Sous Pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure et je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. Et comme je dis, on a commencé l'émission avec du Brixton Cats, la chanson Police, parce que Le 15 mars, cette semaine, c'est la journée internationale contre la brutalité policière. Il y a des manifestations qui se passent un peu partout au Canada et surtout à Montréal. C'est une tradition annuelle qu'il y a une manifestation à Montréal. Et alors, cette semaine, on va marquer l'événement en faisant jouer... des chansons qui... pas uniquement des chansons qui portent sur la brutalité policière et la répression de l'État, mais on va en faire jouer une couple de chansons qui ont portant sur ce thème-là un peu éparpillées pendant l'émission. Comme je disais, on a commencé avec Bricks and Cast, leur chanson Police. On a commencé sur ce thème-là. Continuer sur le même thème, une chanson de Brigada Flores Magón de leur album Ange Gardien, la chanson Port en Bleu. Alors voici Brigada à sous-pression. Vous êtes ici à Charlie Grec, 105.5 FM à Toronto. Et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Keep up. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 à Yellowknife. Dans le dernier bloc, on écoutait du Brigada Flores Magón, la chanson Port en bleu, tirée de leur album Ange Gardien. Défaillance après ça avec La bêtise humaine, vivre de leur album Vivre punk ou mourir, Barricade mentale. Après ça avec Chaos Montréal et on vient de terminer avec Eric Panic, leur chanson La tempête, tirée de l'album 4R6. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt dans l'émission, Aujourd'hui, on marque, le 15 mars, c'est la journée internationale contre la brutalité policière. Alors aujourd'hui, on marque l'événement en faisant jouer une couple de chansons contre la brutalité policière, contre la répression de l'État. Et c'est, ça rentre un peu, c'est très à propos dans les nouvelles, parce qu'à Montréal, en ce moment, si vous ne savez pas, une grève étudiante où tu as plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, même peut-être plus que 100 000 étudiants et étudiantes au Québec qui sont en grève contre une hausse des frais de scolarité. Et la semaine passée, c'était la semaine passée, il y avait un blocage en face d'un édifice. Les gens manifestaient pacifiquement et la police est venue et ont lancé des flashbangs, alors des bombes assourdissantes dans la foule. Et un étudiant qui le policier lui a lancé la bombe et il a perdu son œil, malheureusement. Et quand il était par terre, la police a refusé de l'aider. Il a fallu que les autres, les étudiants et les étudiantes, l'amènent à l'hôpital. Et maintenant, il a perdu son œil grâce au SPVM. Alors, ça, c'est très à propos en ce moment, surtout à Montréal, il y a des manifestations chaque année, mais je pense que cette année, ça sera un peu plus, ça sera bien fixé sur cet acte de violence que la police de Montréal a commis. Faut pas oublier les abus qui sont à tous les jours par la police contre les gens marginalisés. Alors on fait jouer des chansons pourtant sur ce thème-là. Et parlant de Montréal, je continue avec un groupe La Gâchette, leur chanson Villanueva, tirée de l'album Quoi qu'il advienne, chanson à propos de Freddy Villanueva qui était assassiné par la police à Montréal il y a quelques années. Et aussi, alors c'est ça, cette chanson marque. Parle un peu de lui et des émeutes après son meurtre. Ça portait beaucoup d'attention dans les médias. La Gâchette aussi sera, quand on parle toujours de La Gâchette, La Gâchette sera dans le sud de l'Ontario, alors à Hamilton, le 15 avril, dans le cadre du festival du Rebel Fest, il sera à Hamilton. Alors j'ai bien hâte d'y aller, j'espère que vous allez être là, si vous pouvez vous rendre, parce que j'ai jamais eu la chance de voir La Gâchette. Je crois que c'est le premier show, au moins dans le sud de l'Ontario, je me trompe peut-être, mais ça va être super, j'ai vraiment hâte de les voir. Il va aussi avoir plein d'autres groupes. Alors ça, on va en parler dans les semaines à venir. Mais je vais continuer avec La Gâchette. La chanson Villanueva est dédiée à Freddy Villanueva contre la brutalité policière partout. Alors voici La Gâchette à sous pression. Yeah. qui a fait feu sur trois jeunes. Alors ce soir, des gens ont voulu manifester leur colère et ça a dégénéré. je suis une réaction. La compassion en action, je veux une révolution. Être mon ennemi, le panique. Salut tout le monde, vous écoutez toujours Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et aujourd'hui, comme c'est la semaine de la journée internationale contre la brutalité policière, qui se passe le 15 mars, je vous fais jouer une couple de chansons. C'est pas une heure entière dédiée à ce thème-là, mais plusieurs chansons qui ont rapport à la brutalité policière, contre les abus de la police et de la répression de l'État, bien sûr. Et on vient d'écouter La Fraction avec Bruit de bottes, une chanson contre le fascisme. Avant ça, c'était Akuma, Terroriste Moi. J'aurais voulu avancer avec Baltiri de leur album Sans Trahir. Et on a commencé avec La Gâchette, leur chanson Villanueva de leur album Quoi qu'il advienne. Et La Gâchette vient de sortir un nouvel album. Ils ont fait leur lancement vendredi passé, le 9 mars, à Montréal. Je crois que c'est au Café Campus. Alors, le nouvel album, si je ne me trompe pas, s'appelle À travers le temps. Ils ont aussi un DVD sorti, un DVD en même temps avec, du même titre. Et La Gâchette sera dans la région du sud de l'Ontario. Parce que je dis ça parce que je diffuse à partir de Toronto. Et il sera à Hamilton, plus précisément, dans le cadre du Rebel Fest, le festival qui aura lieu à Hamilton le 14 et le 15 avril prochain, au club de St. Hollywood. Alors, j'ai bien hâte d'aller les voir. Je serai là, c'est certain. Ils vont jouer le dimanche. C'est un show d'après-midi, de soirée, un peu plus tôt que d'habitude. Mais en tout cas, c'est ça. Et on est aussi dans le milieu de l'émission, plus ou moins, là, étant que d'habitude, à cette heure-ci, je vous rappelle que l'émission Sous Pression a un site web, c'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web en format podcast. Vous pouvez, bien sûr, c'est pas l'écouter en direct, mais vous pouvez l'écouter comme des versions enregistrées. Vous pouvez aussi le télécharger à partir du site web, ainsi que voir la liste des chansons qu'on met en ligne, qu'on fait passer à l'émission chaque semaine. J'étais rendu où là? Ouais, www.souspression.wordpress.com. Désolé, je suis un peu distrait là. Et vous pouvez aussi nous contacter par courriel, c'est souspression@chry.fm, le souspression@chry.fm. Et on a aussi une présence sur Facebook, c'est le facebook.com/souspression. Vous pouvez aller visiter ça et aimer l'émission, venir à jour avec ce qui se passe avec Souspression, aussi que des nouvelles du monde du punk, ska et du hardcore francophone. Alors, on va continuer avec, un peu dans le thème de la Journée internationale contre la brutalité policière. On va continuer avec une chanson par Les Esclaves Salariés, un groupe montréalais qui n'existe malheureusement plus. La chanson Juge et policier, tirée de leur album Du Rabat, qui est sorti en 2003, fait déjà longtemps, presque 10 ans. La chanson Juge et policier par Les Esclaves Salariés. Et c'est ça. Voici Les Esclaves Salariés Sous Pression. Je voulais dire, je voulais voir comment. We'll be right back. reste pas très longtemps. Ici tout se vend, tout s'achète, sur tous les bancs, renseignements. Salut, c'était Banlieue Rouge avec Sentinelle, leur album Engrenage ici à Sous Pression. Notre temps ensemble tire malheureusement à sa fin, mais je vais faire jouer une dernière chanson et je vais faire un petit retour avant ça sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. Alors, comme je disais, on va écouter du Banlieue Rouge. Avant ça, c'était Jeunesse Apatride avec Ceci n'est pas un jeu. Barbie Genocide avant ça avec Police. Chicken Skull avec L'École. Avant ça, on a écouté Sale Gauloise, la chanson Soupe aux dents tirée de leur album Live. Live dans la fosse aux douleurs. Malaka avant ça. Avec Police, Mauvaise Graine, avec Police partout. Et on a tout commencé avec Les Esclaves Salariés et leur chanson Juge et Policier de leur album Dur à battre. Alors, ça peut rentrer dans le thème de la journée internationale contre la brutalité policière qui a lieu le 15 mars à chaque année et qui, c'est bien cette semaine, c'est jeudi. Alors, c'est un peu pour marquer cet événement-là. Alors, je vais terminer avec une dernière chanson. Chanson par Gabasta, chanson FTP de l'album Toujours Debout. Alors, prenez soin de vous. Nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller visiter le www.souspression.wordpress.com. C'est le site web de l'émission. Vous pouvez écouter l'émission, la télécharger gratuitement en ligne à partir du site web. Et je vous laisse maintenant avec Gabasta, chanson Toujours Debout, ici à Sous Pression. FTP, FTP, FTP, FTP, dans